Donc nous poursuivons la lecture continue de l'évangile de Saint Marc en cette année B qui va se terminer bientôt. Le plus court des évangiles, Marc est sans doute un disciple proche de Saint Pierre. Il a sans doute suivi dans ses prédications et c'est sous son influence qu'il aurait composé cet évangile qui est surtout destiné aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs qui se sont convertis à l'Évangile en entendant la prédication des apôtres. Et nous voyons donc Jésus interrogé encore une fois par les pharisiens qui le mettent à l'épreuve. Jésus est habitué à ce genre de traquenard. Rappelez-vous quand on lui a demandé si l'on doit payer l'impôt à César, ou ceux qui ont pris la femme adultère en flagrant délit, s'il est d'accord qu'ils doivent être lapidés. Jésus a l'art de répondre en mettant les choses à un autre niveau. Il ne s'enferme pas dans cette casuistique pharisienne. Casuistique, ça veut dire l'étude méticuleuse de cas en morale. Mais il a cette réponse étonnante à cette question, donc, si on peut répudier sa femme pour n'importe quel motif. C'était un débat chez les rabbins à l'époque, comme il y en a eu toujours. Et est-ce qu'on avait le droit pour un grain de beauté mal placé de répudier sa femme ou pour des motifs plus graves comme l'infidélité? Et Jésus, donc, répond en disant que c'est à cause de votre endurcissement que Moïse a permis ce certificat de divorce. En fait, cet acte, d'une certaine manière, était favorable pour la femme parce que l'acte de répudiation signifiait qu'elle était libre pour contracter un autre mariage. Mais c'était quand même une humiliation et c'était souvent dans le sens homme-femme que se faisait cette répudiation. Et Jésus donc répond en renvoyant au commencement. Mais qu'est-ce que ça veut dire au commencement? C'est pas au Big Bang qui nous renvoie. C'est pas un commencement chronologique, mais il nous renvoie à la source ontologique, c'est-à-dire au fond dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a fait l'homme et la femme, à quoi il pensait? Et il nous dit que au commencement, il les fit homme et femme. Et Jésus là cite, il va citer en fait les deux récits de la création de l'homme et de la femme, Genèse 1, Genèse 2, qui sont deux récits de deux époques différentes qu'on a adjoints ensemble dans la Bible. Le premier qui vient, vous savez, quand on dit oui, il y eut un soir, il y eut un matin, et le sixième jour, donc, ils ont créé, ils ont dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, la Trinité. Et Jean-Paul II, qui a beaucoup réfléchi sur ces textes-là, Marc 10, Matthieu 19, nous dit que le texte hébreu, en fait, dit, il les fit mâle et femelle. Et ensuite, l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, et ils ne feront qu'un. C'est le deuxième récit de la création. Donc, il les fit mâle et femelle. Et Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, vous savez que le sujet sur lequel Saint Jean-Paul II a le plus parlé dans son pontificat, c'est la sexualité humaine. Et il a développé un long enseignement qu'on appelle la théologie du corps, que maintenant, dont l'Église se nourrit abondamment. Et il dit donc que s'il les a fait mâles et femelles à son image, c'est donc dire que la sexuation est notre première marque de notre ressemblance à Dieu. Il va plus loin, il dit que ce sont nos organes génitaux, excusez-moi des détails, mais c'est ça que le Saint Jean-Paul II dit, sont la première marque de notre image et ressemblance à Dieu. Parce que c'est le signe que nous sommes faits pour la nuptialité, pour épouser et être épousé. Et dans cette rencontre intime et complémentaire, se produit le don de la vie. En cela, hommes et femmes sont image et ressemblance de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit et qui donne la vie au monde. Donc Jésus nous renvoie au commencement. C'est en cela, comme je disais, qu'il transcende ce débat casuistique, cet enfermement dans la morale, parce que, en disant ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il ne met pas une exigence morale de plus sur nos épaules en disant, mais franchement, il nous demande quelque chose d'impossible. Comment est-ce qu'un homme et une femme aujourd'hui peuvent être fidèles toute leur vie? Au commencement, c'est dire ce que Dieu a inscrit dans ton cœur. Quel est ton vrai désir au fond? C'est cela. Tu es fait pour l'amour qui dure toujours. Et la preuve, c'est que les séparations, les divorces qu'on a tous connus plus ou moins proches dans nos familles, c'est une souffrance. Et la fidélité est une source de joie. Nous sommes faits pour cela. Donc, encore une fois, Jésus ne vient pas rajouter une loi artificielle pour nous accabler, mais il vient comme souffler sur les cendres pour que les braises se rallument au fond de notre cœur. Saint Augustin, je le cite souvent, cette belle phrase dit que si Dieu a écrit les lois, sa loi sur des tables de pierre, c'est parce qu'on n'est plus capable de la lire dans nos cœurs de chair. Nous sommes faits pour cet amour qui dure toujours. Et on le voit aussi dans les enfants qui sont faits pour avoir un papa et une maman qui s'aiment toute une vie. Et on sait quelle déchirure cela produit en eux quand il y a un échec conjugal. Donc Jésus nous renvoie au commencement et ce n'est pas, encore une fois, un regard rétroactif ou nostalgique sur un vestige ou une archéologie, je ne sais pas trop quoi, ça existait, puis après le péché originel, tout a foiré et voilà, ça redevient impossible parce qu'on est trop magané, trop blessé. Ce commencement, il nous est contemporain. Dieu est toujours au commencement. Tout ce qui existe maintenant est tenu dans l'être par Dieu. Alors il nous renvoie à ce jaillissement créateur de Dieu. Et vous remarquerez les notes de ce texte, comment Jésus parle. D'abord, il est mis à l'épreuve. Ensuite, il parle de l'endurcissement du cœur. Et il parle de Moïse aussi. Ce sont des thèmes pascaux. Ce sont des thèmes qu'on a entendus quand Israël est allé au désert, qu'il a mis Dieu à l'épreuve, qu'il a endurci son cœur et que Moïse a intercédé pour son peuple auprès de Dieu. C'est-à-dire que ce que Jésus nous dit là, c'est que l'homme a un passage à vivre. L'homme a besoin d'être sauvé aussi dans sa sexualité et son affectivité. Que ce commencement, si on veut qu'il soit présent aujourd'hui, nous avons besoin de la mort et de la résurrection du Christ pour le vivre et l'effusion du Saint-Esprit. Ce commencement, il ne cesse de jaillir en nous par la grâce de notre baptême, de notre confirmation, et pour ceux qui sont mariés, par le sacrement du mariage. Ainsi, l'homme et la femme peuvent réaliser dans leur être, jusque dans leur intimité charnelle, cette beauté, cette plénitude de l'amour, et en être la première image pour leurs enfants et avec leur famille, être l'image également de l'Église. Car le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et saint Paul dit, il commente ce passage en disant, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Il dit qu'il s'agit d'un grand mystère, celui du mariage du Christ avec l'Église. Cela nous renvoie au sens du célibat sacerdotal. Le prêtre est là pour signifier les épousailles du Christ avec l'Église. Ce célibat est un don nuptial, en fait, une participation aux épousailles de Jésus avec son peuple. C'est pourquoi les prêtres sont devant vous, revêtus des ornements du Christ comme célibataires, parce que vous êtes mon épouse d'une certaine manière. Et je dois célébrer avec vous les épousailles de Dieu avec son peuple en vous donnant notamment le corps de l'époux. Pour que vous viviez, que vous soyez célibataire, séparé, divorcé, peu importe, marié, en recherche vocationnelle, que vous viviez déjà de ce mystère à la fois pascal, c'est-à-dire que nous avons besoin d'être sauvés pour vivre ce commencement, ce jaillissement, et qu'est-ce que je disais ? À la fois pour être sauvé. C'était quoi ma deuxième idée ? J'ai oublié. c'est important, mais bon, ça va me revenir. Voilà, bien Seigneur, nous voulons, dans cette Eucharistie, que tu fasses jaillir cette grâce du commencement, que ton plan d'amour n'a pas changé sur l'homme et la femme, malgré que l'humanité a déraillé dans le péché, malgré les blessures, malgré cette vision du monde consumériste de l'amour humain, nous croyons que ton cœur n'a pas changé, que ton projet sur nous demeure inchangé, et en ton Fils Jésus, l'Époux de l'Église, tu nous donnes la possibilité de vivre ce mariage qui nous comblera et qui est fécond et qui est image et ressemblance, reflet de ta présence dans le monde.